Sur pas. Jeudi 30 mai 2013. Joséphine me disait hier soir ou bien ce matin avec le café qu'elle se demandait pourquoi Arto, qui était enfermé pour fou, était moins difficile à comprendre dans son écriture que Joyce, qui vivait une vie courante. Elle mettait des nuances, elle ou moi, nous disions que ce qui avait fait interdire l'Ulysse, le livre le plus célèbre de Joyce, aux USA par la censure, c'était la provocation et l'obscénité, tandis que les Joyce les plus inintelligibles étaient celui de Wake. Et Carto aurait pu être classé comme fou par des critères plus ou moins propres à la répression des années 30. Elle m'a avancé une réponse donnée par un psychologue. On est arrivé en faisant durer le petit déjeuner à ce que c'était une réponse simpliste et réductrice. Ce serait à formuler comme quoi Joyce aurait réussi à mettre sa folie dans ses livres, tandis qu'Arto n'aurait pu la mettre dans ses livres et serait devenu vraiment fou. On oublie là que si même fou Arto nous parle d'une philosophie fondamentale, c'est que sa folie était superficielle ou névrotique. Déjà à l'atelier, fuyant la routine dans la solitude, je prends pour chercher un clone de Joyce dans les modèles folie dans les livres normalité extérieure. Face au modèle folie, mes livres sérieux. Les volumes des Imaginations de William Carlos Williams et les Cantos de Pound. C'est parce que la vie de Pound a été nettement plus folle que celle de Williams. Such painting as that of one Greece. Coming after the Impressionist, the Expressionist, Cézanne, and dealing severe strokes as well to the Expressionist as to the Impressionist group points forward to what will prove the greatest painting yet produced. Selon lui, le cubisme était beau pour être glacial? Non. Pas encore, cela vient dans la tête acculturée de l'art contemporain. Mais bien que les idées de Williams pourraient être celles d'Arto, son expression n'est que plus médiocre, confuse, moins importante pour la séduction à venir, du moins pour le lecteur que je suis. La question de l'inintelligibilité de Joyce est la même, c'est un autre degré de sa provocation d'avant-garde bourgeoise dans l'Ulysse que celui de Wake. Ce n'est pas sans raison que Joyce a finalement été répudié par Pound, comme quoi la valeur du sang. Joséphine, l'orthographe lacanienne pour les symptômes propres au livre de James Joyce, peux-tu me la rappeler? Je suis en train de rédiger mon Wake. Je n'ai pas les séminaires de Lacan. Écrit à la main deux fois. Bon, reprenons notre dénigration, comme quoi la valeur du symptôme n'est pas tellement l'excellence, mais celle d'un médicament thérapeutique courant d'ordre esthétique. mais à la portée de tous. Je crois que c'est l'élément clé pour comprendre les classiques. Dante, Cervantes, Joyce ou Lawrence Stern, William Carlos Williams, quoi. Que ce soit intelligible ou pas, provocateur ou pas, c'est l'usage thérapeutique de l'écriture en fin de compte. Son succès n'est qu'un hasard, un accident. Cela revient à dire qu'il y aura toujours des textes, des ouvrages méconnus, et avec eux, des pensées qui passeront à l'oubli sans pour autant les mériter aucunement.